Sur le papier, une série B d'actions bien nerveuses qui réunit Marky Mark Wahlberg et Iko Uwais, la révélation de The Raid, avait tout pour me plaire. Hélas, à vouloir péter plus haut que son cul, 22 Miles se vautre dans la dernière ligne droite. Évidemment, quelques autres détails sont assez gênants, mais pas autant que ce final. Le côté sacrificiel exacerbé, par exemple, me gêne beaucoup. Niveau casting, Marky Mark fronce les sourcils et aboie sur les seconds couteaux. Iko Uwais est mystérieusement mystérieux, le reste du cast défouraille à tout va et on s'en cogne un peu, et John Malkovich vient payer ses impôts. La BO ne marquera pas les annales non plus. Heureusement, dans tout ce marasme, l'action, elle, est bien présente et ça bastonne sec, ça tire dans tous les sens et ça pète de partout. La réalisation, sans être exceptionnelle, assure efficacement le taf, c'est plutôt lisible et bien rythmé. En fait, le film se suit plutôt bien, avec pour point d'orgue la mort du grand méchant, et puis se prend grave les pieds dans le tapis en voulant se montrer plus malin qu'il ne l'est et n'assumant pas son statut honnête de série B d'action décomplexée à un poil patriotique.